L'incendie de Notre-Dame, encore un coup de Macron et la retraite de Jordan. Une histoire de pognon, on n'a pas marché sur la lune. C'était du cinéma et c'était pas de l'infortune. La mort de Diana. T'as pas trop mal à la gueule de dire autant de conneries. Je t'assure, si t'étais tout seul, je crierais au génie. Tellement t'es con. Puisque je vous dis que je suis pas raciste, j'ai même un ami beurre. Comment il s'appelle, on s'en fiche. C'est un copain de ma sœur. Les trains ne sont jamais à l'heure. Les fonctionnaires sont des feignants. Il paraît que le jambon beurre, ils mettent du chat dedans. T'as pas trop mal à la gueule de dire autant de conneries. Je t'assure, si t'étais tout seul, je crierais au génie. Les mecs sont vraiment tous pareils, on peut jamais leur faire confiance. Jean a encore trompé Mireille, bon avec moi j'ai eu de la chance. Tu commentes, tu réagis sur les postes engagés. Tu crois vraiment que ça te grandit, que ça va sauver l'humanité. Tout ce que tu dis. T'as pas trop mal à la gueule de dire autant de conneries. Je t'assure, si t'étais tout seul, je crierais au génie. Tellement t'es con. La théorie du ruissellement. Mais soyez donc patient. Si je vous dis que ça va arriver, en attendant bosser. C'est bien que t'essaies de réfléchir, que tu te poses des questions, mais tu ferais mieux de t'abstenir, de donner ton opinion. Nauséabond. T'as pas trop mal à la gueule de dire autant de conneries. Je t'assure, si t'étais tout seul, je crierais au génie. Tellement t'es con.